Bonjour à tous et bonjour à toutes. Le samedi est déjà bien entamé, mais le début de soirée ne fait que commencer. Je vous propose pour attaquer cette découverte datant de 1982. Le groupe s'appelle High Fashion et il va durer 2 ans, le temps de 2 albums et puis s'en va. Leur premier succès, que l'on va s'écouter après, s'intitule Feeling Lucky Lately et il sort en 1982. Le groupe se compose de 3 membres. Alison Williams, Melissa Morgan et Eric McClinton. Ils ont tous les trois eu des parcours un peu atypiques avant leur rencontre. C'est Melissa qui quittera le groupe en 1983 pour se lancer dans une carrière solo dans le jazz. Cette carrière d'ailleurs va lui réussir. On s'écoute ça tout de suite. Time. Dr Biscou et Mr Funk sur Fadjet. On passe aux 100 hits avec aujourd'hui Linda Clifford et son Runaway Love. Dans sa chanson, la chanteuse exprime sa joie d'être libre de trouver à nouveau l'amour, chose rare, car les sujets traitent plus de ruptures amoureuses. Je vais me trouver quelqu'un d'autre, je vais aller danser car je peux encore le faire et tu ne seras pas là. Dit-elle dans la chanson, bien sûr. Dans ce titre, Clifford s'adresse parfois à son ancien amour en lui parlant sous forme de monologue, une technique efficace pour faire passer le message. Dans l'album suivant, elle est encore plus véhémente sur Don't Give Up, dans lequel elle conseille aux jeunes filles de se méfier des hommes qui profitent d'elle et de ne pas se laisser séduire par leurs stratagèmes. Tout un programme. En 1978, la belle et élégante Clifford a 30 ans. Sa carrière est déjà bien remplie et cela se ressent dans ses textes et sa voix forte et autoritaire. Ancienne actrice de second rôle et Miss New York, elle a été chanteuse de jazz puis de soul avant de signer sur le label de Curtis Mayfield. La face A de l'album If My Friends Could See Me Now, d'où est extrait le titre, est impeccable. On y trouve le plus énergique If My Friends Could See Me Now, une version disco d'un titre de Shirley MacLaine et le mélodieux You Are de son ami Curtis Mayfield. Numéro 1 au top disco, Runaway Love est devenu un classique pour les DJ. Aujourd'hui, elle poursuit sa carrière au sein du trio The First Lady of Disco avec le duo The Weather Girl. C'était dans 1978 et ça donnait ça. Oh. Hey baby, where you going? No, wait a minute, you can't leave now. Again. Now we've been through this before. And I'm tired. I'm tired. Sick and tired of the same old thing over and over. Don't you feel it? Don't you feel it? Notre rubrique Face B nous emmène aujourd'hui du côté de chez Diana Ross. Upside Down, vous connaissez tous, je suppose. La face B s'intitule It's My House. Le morceau est composé par Ashford & Simpson et est extrait de son album The Boss, paru en 1979. Ce n'est d'ailleurs pas toujours ce morceau-là qui est en face B, mais plus Friends to Friends. Bon, à choisir entre les deux, j'ai préféré It's My House, et c'est maintenant que vous allez le découvrir. See me. Pour le maxi du jour, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de vous faire plaisir. Ça fait quand même un sacré bout de temps qu'on ne s'est pas écouté un petit France joli. Eh bien, on va y remédier maintenant. J'ai décidé de vous passer Feel Like Dancing. Alors, je vais dédier ce morceau à tous mes collègues. Je vais essayer de ne pas me tromper. Steph, Fred, Coralie et tous les autres que j'oublie. Et ainsi que ma petite anarque. Allez, bonne journée à vous. C'est tout de suite le maxi. On arrive à la pépite. Atlantic Star, que j'ai découvert grâce à cette émission, va avoir droit à cet honneur. Le titre Silver Shadow est extrait de l'album As the Bone Turns, paru en 1985, et qui est d'ailleurs leur sixième album. Il va atteindre la 13e place de l'US Billboard. Alors, la voix de Barbara Weaver y fait merveille. Cela sera sa première apparition dans le groupe qu'elle a rejoint pour enregistrer l'album. Et on peut dire qu'elle fait mouche immédiatement. Faites-vous votre avis. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Il me reste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Et à vous donner rendez-vous samedi prochain sur la même radio à la même heure. Bye bye!